Vive le camping! Parce qu'avec ma sœur, nous, cette année, on a dit, parce qu'on va pas aller dépenser de l'argent bêtement dans des pensions de famille, parce que c'est hors de prix. Parce qu'on se demande où on va, tellement que tout est cher. Hein? Il n'y a pas de quoi se marrer quand je vous dis que tout est cher. C'est que, comme dit mon beau-frère, le mari à ma sœur, au jour d'aujourd'hui, vaut mieux être riche et en bonne santé que d'être malade et sans le sou. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a des pensions qui coûtent jusqu'à des 25 francs par jour. Tout compris. Le petit déjeuner, le déjeuner, le souper, le coucher, tout, 25 francs. Service compris. Alors, quand on est deux, comme ma sœur avec mon beau-frère, qui sont mariés, alors avec moi, puis Mademoiselle Lambec, ça fait trop cher. Alors, on a dit qu'on va camper, comme ça, on va faire des économies. Alors, on a été acheter une toile de tente, 400 francs. On a été acheter un matelas pneumatique, chacun. C'est dans les 32 francs. Ensuite, on a un sac de couchage. Un sac de couchage. Je fais le tour du parc et je reviens. Ensuite, on a été tout ce qu'il faut pour faire pour le camping, le réchaud, les casseroles, tout. On en a eu pour 230 000 anciens francs. Eh bien, comme ça, on a dit, on va faire des économies. On était bien, on était dans un camp, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Agué. Tous les soirs, on chantait Agué, Gué, Gué, Gué, Gué, Gué, Gué. Il y en était 7000. Notre camp, vous allez le trouver facilement à Agué. Il y a la mer, il y a la route nationale. Je vous dirais même mieux que c'est une route internationale. Avec le trafic qu'il y a la nuit, ça doit être une route. Alors vraiment, il y a le camp et de l'autre côté, il y a la ligne de chemin de fer. Si bien que lorsqu'on n'entendait pas les camions qui passaient, on entendait les trains qui arrivaient. Ça nous changeait avec nous. Parce qu'à Paris, on habite derrière la mosquée. Et toute l'année, il y a un silence. Et là, ça changeait un peu. Vive le camping, on était bien. Quand on va se baigner, on a chacun droit à son mètre carré. Quelqu'un voudrait se noyer, qu'il ne pourrait pas. Il y avait Kiki 40, et ben elle a essayé de faire du crawl, elle n'a pas pu. Un peu de brasse, mais alors... Oh, on était très, très bien. Parce qu'on n'était qu'entouré que de gens très gentils. Je me souviens, juste en face de notre tente, il y avait des Allemands. Qu'est-ce qu'ils sont charmants, les Allemands. Oh, le matin, ils se levaient, ils étaient là. Guten Tag! Nous, on répondait... Le soir, good night, nous, on répondait la même chose que le matin. Avec les Allemands, jamais il y a eu un mot plus haut que l'autre. On se demande même pourquoi qu'on se fait la guerre de temps en temps avec ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on s'entend bien pendant les entr'actes? Les Italiens, c'est autre chose, ils sont plus volubiles. Vous savez, on savait toujours que c'était 7 heures du matin, à cause, parce qu'ils écoutent toujours la radio. Là, c'est Canada, Milano, tutti quanti, la carta, non capisco italiano, Milano, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. On savait que c'était 7 heures. On savait aussi quand le soleil se levait, à cause des Suédois. Des Suédois, Deutsch, on ne sait pas bien d'où ils sont, certainement des Deutsch. Alors, ils étaient là le matin, ce sont des naturistes, ceux du Nord. Ils étaient là, torse nu. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, Alors nous, on était là dans notre sac de toile, on était là. Le Belge, c'est autre chose. Alors lui, c'est la gentillesse, alors... Si vous avez besoin de quelque chose, il ne faut pas vous gêner. Hein. Ici, on est entre nous, on est en compagnie. Hein. Merci beaucoup, on n'a besoin de rien. 10 minutes après, si vous avez besoin d'une casserole ou quoi que ce soit, il ne faut pas vous gêner, on est entre nous. Hein, ça peut vous... Un quart d'heure après, il s'est dit taper dans la... Oh, ben, si vous avez besoin de sel ou du pain, c'est pas la peine d'aller faire la queue le matin pendant des heures. Oui. Vive les Belges. Vive le camping.